Bonjour tout le monde. C'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous allons aborder aujourd'hui la leçon 12. La phrase clé du jour est... いつ日本に来ましたか? Quand es-tu arrivé au Japon? Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna. Originaire de la Thaïlande, elle est étudiante internationale. Aujourd'hui, on organise une fête dans le dortoir pour étudiants étrangers, là où réside Anna. Nous allons maintenant écouter la leçon 12. Notre phrase clé aujourd'hui est... いつ日本に来ましたか? Quand es-tu arrivé au Japon? ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか? 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた? まあ。 Je vais maintenant vous expliquer ce sketch. Sakura a demandé à Rodrigo. ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか? Rodrigo, quand es-tu arrivé au Japon? ロドリゴさん. C'est le prénom Rodrigo auquel on ajoute le titre honorifique san. わ. Et la particule indiquant un sujet. いつ. Signifie quand. Nihon. C'est Japon. Ni. Est une particule qui indique le lieu, le temps ou le contexte. Ici, elle indique l'endroit où quelqu'un a déménagé. Kimashita. Signifie venu. C'est le passé du verbe. Kimasu. Venir. Pour mettre au passé la forme verbale mas, nous remplaçons mas par mashita, c'est bien ça? Tout à fait. Ka. Est une particule. Si vous l'ajoutez à la fin d'une phrase et que vous prononcez cette phrase en haussant l'intonation, vous en faites une phrase interrogative. いつ日本に来ましたか? Quand es-tu arrivé au Japon? C'est notre phrase clé aujourd'hui. Rodrigo répond. 3月に来ました. Je suis arrivé en mars. 3月. Signifie mars. Ce mot est composé du nombre 3. 3 et du mot dont la signification est moi. Gats. Ni est une particule. Ici, elle indique un moment dans le temps. Kimashita. Signifie venu. Adrien, apprenez-nous à dire les mois. D'accord. Lorsque vous souhaitez préciser quel mois, vous ajoutez gats à un nombre. Mais pour 4, 7 et 9, vous utilisez l'autre façon d'exprimer ces nombres. Shi, shichi, ku. Mémorisons-les de janvier à décembre. Janvier, c'est... 1月. Et février? 2月. Mars, c'est... 3月. Avril? 4月. Mai? 5月. Juin? 6月. Juillet? 7月. Août? 8月. Septembre? 9月. Octobre? 10月. Novembre? 11月. Et décembre, c'est... 12月. Retournons maintenant au sketch. Sakura demande à Rodrigo. もう日本の生活に慣れた? T'es-tu déjà habitué à la vie japonaise? もう. Signifie déjà, maintenant. C'est un adverbe. Nihon, c'est Japon. No. Est une particule qui lie les substantifs. 生活. Signifie vie. Donc... 日本の生活. Veut dire... La vie au Japon. Ici, la particule ni dans Nihon no seikatsu ni indique une situation. Nareta signifie être habitué à ou s'être habitué à. C'est le passé de naremasu, s'habituer à. Il indique aussi l'aspect perfectif. Attendez, le passé de naremasu, c'est bien naremashita, non? La façon familière de dire naremashita. Être habitué ou s'être habitué à est nareta. Nareta se termine avec ta. Les verbes qui se terminent en ta sont appelés verbes avec la forme en ta. Pour transformer une phrase de forme verbale ta en forme interrogative, il s'agit de hausser l'intonation. Ainsi, nous disons nareta. Alors Rodrigo répond ema. Oui, plus ou moins. Et oui, c'est la réponse affirmative. Mais si vous dites « Ema », cela devient une affirmation équivoque. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 12. La phrase clé aujourd'hui est いつ日本に来ましたか? Quand es-tu arrivé au Japon? ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか? 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた? まあ。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris les verbes de forme « ta ». Expliquez-nous comment mettre les verbes en masse à la forme « ta ». Demandons à notre professeur. La forme verbale en « ta » peut donner lieu à deux terminaisons, « ta » ou « da ». Elle correspond au passé ou à l'état d'achèvement d'un verbe. Laissez-moi vous expliquer comment passer de la forme « mas » à la forme « ta ». Le modèle de base consiste à remplacer « mas » par « ta ». Naremas. S'habituer à devient « nareta ». Vous aurez noté que dans « naremas », la syllabe placée juste avant « mas » est « le » et que sa voyelle est « e ». Notre modèle de base s'applique à tous les verbes dont la voyelle qui précède « mas » est « e ». Il s'applique aussi à certains verbes dont la voyelle placée juste avant « mas » est « i ». Dans l'autre modèle, vous devez remplacer non seulement « mas », mais aussi la syllabe placée devant. Si la syllabe placée juste devant « mas » est « li », vous remplacez « li » et « mas » ensemble, « limas » par « ta ». Donc, « atsumarimasu », se rassembler, devient « atsumatta ». La règle s'applique aussi lorsque la syllabe devant « mas » est « i » ou « chi ». Ici également, vous remplacez « i » ou « chi » et « mas » ensemble par « ta ». Si la syllabe placée juste avant « mas » est « mi », « ni » ou « bi », vous remplacez les syllabes « et mas » par « nda ». Par exemple, « yomimasu ». Lire devient « yonda ». Mémorisons cela avec une chanson. Ensuite, si la syllabe devant « mas » est « ki », vous remplacez la syllabe « emas » par « ita ». Ainsi, « kikimasu ». Écoutez devient « kita ». Si la syllabe devant « mas » est « gi », vous remplacez la syllabe « emas » par « ida ». « Isogimasu ». Se dépêcher devient « isoida ». « Ikimasu ». Aller est la seule exception à cette règle. Il devient « itta ». Voici maintenant la chanson pour cette partie. Écoutons maintenant la chanson d'un bout à l'autre. Chantez-la plusieurs fois et mémorisez les mots. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Ils discutent joyeusement, non? Nous avons un mot qui décrit plusieurs personnes qui passent un bon moment ensemble. Wai wai. Wai wai. Il y a un mot descriptif de son similaire. Gaya gaya. Il décrit un grand nombre de gens faisant beaucoup de bruit, parlant les uns aux autres. Est-ce que ce n'est pas ce que ça évoque pour vous? Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir Wai Wai et Gaya Gaya. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée, ses tweets. C'est la rubrique Les tweets d'Anna. Tous ont aimé mon curry thaïlandais. On me dit que les Japonais ont leur propre curry et qu'il est très populaire auprès des enfants. La leçon 12 vous a plu? La phrase clé du jour était いつ日本に来ましたか? Quand es-tu arrivé au Japon? Dans notre prochain épisode, la fête continue. Ne manquez pas notre prochaine leçon.